Salut à toutes et toutes la tribu, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va super bien. Bienvenue dans la Vampire Flix numéro 4, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver. Merci pour tous vos messages et mails de soutien à l'émission sur les pages Morchaine 43, Vampire Flix, l'émission radio et même sur ma page perso. Ce soir, je vous ai concocté un super menu épicé. De tout pour tout le monde. Punk, ska, reggae, rock, rock alternatif, sound system et même des lives. Allez, on commence tout de suite avec le méga classique des Led Zeppelin, Communication Breakdown. Bleu, blanc, noir, des porte-manteaux en live. Un hymne à l'autodérision, Didier Super avec Je veux être une star. Mon Ludwig von 88 préféré dans le jardin d'Allah. Et on finira ce bloc avec les copains de JRM, le X et le Fric. Bis à vous les potos. We'll be right back. s'adresse à toutes les Françaises, à tous les Français qui m'entendent, et eux, les gouvernements de la République. Ce que nous leur souhaitons avant tout, ce que nous souhaitons à l'Europe et au monde, c'est la paix. Profile Pop Rock Hits. It's rock and roll, man. Moi, je veux devenir une star. Je veux plus que mon public, ça soit seulement mes copains. Moi, je veux devenir une star. Je veux que mon public, ça soit tous des clients. Moi, je veux devenir une star. Parce que moi, je trouve que c'est un métier valorisant. Moi, je veux devenir une star. C'est le seul boulot où plus tu sais rien et plus t'es rentable. Moi, je veux devenir une star, parce que les artistes, quand c'est pas des stars, c'est pas des vrais artistes. Moi, je veux devenir une star, comme ça les gros Johnny vont appeler leur ghost DJ. Et quand j'irai à la piscine municipale pour boire un coca au distributeur, et tous les gens, ils seront gentils avec moi, parce que moi, maintenant, je suis quelqu'un. Je suis Didier, Didier Super, le mec qui chante la chanson avec le caniche. Et du coup, grâce à moi, la piscine municipale va devenir un endroit super branché. Pour les opticiens, moi je veux devenir une star. Je veux sniffer de la coke pendant qu'une pute me suce la bite. Ouais. Je veux devenir une star. Je veux boire que du champagne pour oublier que c'est ça le bonheur. Je veux devenir une star, même si je sais que j'ai aucune chance, parce que moi j'ai du talent. a tous un moi et tous des émois. On a tous des droits, mais pas tous à toi. L'émission sera un peu plus longue à votre demande. Et d'ailleurs, je voulais remercier Louis qui nous écoute à Montpellier pour m'avoir demandé et envoyé les porte-manteaux en live. Vous pouvez aussi proposer moi des morceaux sur la page Facebook Vampire Freaks de l'émission et je me ferai un plaisir de les diffuser et de vous les dédicacer. On va repartir en musique, mais doucement avec Don Choa. Vous retrouverez ensuite avec un H des Fatal Picard. Il y aura Il faut qu'on ose de la Dubbing à l'Olympia. C'est leur dernier album. Écoutez-le sur toutes les plateformes légales. C'est une tuerie. Ensuite, vous aurez Sinsimilia avec leur tube La Flamme. Et on finira ce bloc avec La fille du chat noir de Matmata. Une chanson qui me tient à cœur. Que voulez-vous? Les vampires sont des grands romantiques quand on les connaît bien. Un peu d'anarchie dans ta porte. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. Tous te mentent, ça va des infos, nymphos, s'infos, gros impôts, boss sans poste, frangin, on sort l'engin, si ça emmerde le monde, c'est pas pour faire le con, mais une volonté profonde. Chauffe ça sans courbouillon ni micro-ondes, nage avec les gros poissons, en profonde, viens sur le terrain, sors de ton cocon, ce n'est pas ma main qui fait sourire la Joconde, soyez sans crainte, j'arrive trop pacifique, mais je m'arrête pas quand on me dit oh, pas si vite, instant fatidique, instinct fanatique, plus du vice comme tout le monde, il s'agit de survivre, bon, je suis sur mes gardes alors je veille, un faux pas, ça peut finir les étiquette à l'orteil, course pour l'oseille, tous poussent pour passer devant. Mes raps sont pourris mais je les vends, hein. Défends mon camp, et si tu comprends plus bien, 16 mesures c'est comme de taf, ça me fait plus rien. Il paraît que je vois pas plus loin que le bout de mon joint. C'est vrai, et j'ai envie de trucs chic et cher. Nique ses chefs, si la fumée de mon pique les lèvres, t'es pas obligé d'y goûter, à part si tu veux te rajouter des problèmes. Quand j'arrive ils appellent, allô Houston, nous avons un problème. Ils ont besoin de limites mais on fait ça, plane haut, attention on descend. Que je vais faire avec 313 litres d'essence, 20 grammes de pollen par litre de sang. Reste con, tu fumes trop. Doucement, doucement. Ralentis un peu ton flow. Doucement, doucement. Piano, piano, piano. Doucement, doucement. Du calme mon cheval, desperado. Je mets tout dedans. Que ça soit coup de pied, coup de vieille, coup de dent. Si je suis suspect, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite. Doucement, doucement. Profitons tant qu'il est temps, donc tant pis je tente. En restant anti-état, ça va tranquille et toi. Je veux passer en dilettante, c'est plutôt vendetta. L'époque est bouillante, va pas te brûler les doigts papy. Ce qu'on fume peut envoyer au tapis. J'incite pas et c'est pas le club des 5 ou au capi. N'hésite pas, rentre dans le gros bordel. Ma clique va plus vite que tes snowboarders. Mon hors d'œuvre provoque all cœur. Au snob, big ups, roots, reggae, rockers. Oh, ok, téléphone à ton docteur. Smoke, j'ai faim comme Hannibal Lecter. T'es choqué, y'a pourtant rien de personnel. Sauter comme sur une mine antipersonnelle. On est tant de choses, envie de brûler leurs bureaux, brûler leurs oraux, brûler. T'as promis de nous tuer, prends des piles longue durée. Tout se pousse comme si j'allais envoyer la purée. Le feu est allumé, ne s'éteint pas avec de l'eau. J'arrive comme trois shootés au crack avec un chalumeau. Tranquille, calme-toi. Doucement, doucement. Est-ce que tu sais où tu vas? Doucement, doucement. Doucement, doucement. Je viens prendre mon oseille et foutre mon bordel. Je mets tout dedans. Que ça soit coup de pied, coup de vie, coup de dent. Si je suis suspect, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite. Doucement, doucement. Je mets tout dedans. Que ça soit coup de pied, coup de vie, coup de dent. Si je suis suspect, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite. Doucement, doucement. Tout n'est pas que calme, luxe et piston. Y'a aussi Kamak, pute et michetons. Flics et voyous, trips et boyaux. Très très type loyaux, galère et type royaux. Sur ma route, Elle était pas pavée d'or, gagne ta croûte, tandis que les cavés dorment, les affamés morts. Les pieds dedans, tu sors si les choses se compliquent, t'as pas compris, sors. Aujourd'hui, le monde tourne vite, pour des mecs comme nous partant de tch. Pas question de tomber dans des histoires de. Honorer nos familles reste notre priorité. Nous n'avons pas d'amis dans la haute société. Il paraît qu'il y a plus de prix de cactus. 28 ans, je n'ai pas monté de start-up. T'as pas de hard rock pendant que je rappe par cœur. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Alors je veux maintenant, doucement, doucement, avant que ça tourne en bain de sang. Doucement, doucement, doucement, doucement. Je mets tout dedans, que ça soit coup de pied, coup de vie, coup de dent. Si je suis suspect, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite, doucement, doucement. Je mets tout dedans, que ça soit coup de pied, coup de vie, coup de dent. Si je suis cité, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite, doucement, doucement. Je mets tout dedans, que ça soit coup de pied, coup de vie, coup de dent. Si je suis cité, c'est que j'ai perdu tout ce temps. Il s'agit d'aller vite, doucement, doucement. Avec un H, j'écris ton nom. Avec un H comme bûcheron. C'est un grand A, un grand amour. T'es un grand A, oui toi toujours. Avec un T, j'écris ton nom. Avec un T qui désaltère. Ça désaltère, ça rend plus musclé. Et plus musclé, c'est plus épais. Avec un P, j'écris ton nom. Avec un P comme flatulence. Avec un H bien fatigué. Ah oui, avec un H qui est naze. Et moi je chante la la la la. La la la la la la la la. Amour avec un grand A. C'est la chanson que j'ai faite pour toi. Ah, l'amour avec un gros tas, grand tas. C'est pour toi. Avec le X, j'écris ton nom. Avec le X, on gagne bien sa vie. C'est un grand D, comme dans Eugénie. C'est un beau B, à Louison toujours. Avec un U, j'écris ton nom. C'est un beau M, un beau M d'amour que j'ai écrit pour toi quand j'étais malade l'autre jour. Et moi je chante la la la la la la la la la la la la la. Amour avec un gros de grand A. C'est la chanson que j'ai faite, que j'ai faite pour toi. L'amour avec un grand A, c'est pour toi. Avec un G, j'écris ton nom. Avec un G, j'écris la pêche. Avec toutes ces lettres, j'écris ton nom. Sur mon cartable, ça fait HHTP. C'est suédois. Ça veut dire kangourou en suédois. Ça veut dire kangourou et en même temps aussi, ça porte chance en fait. Un peu comme dans Mobilette, mais en. Différent, c'est pas mon billet. Avec un A, j'écris ton nom. Avec un A, comme jeune conducteur. Hey, this is Steven Tyler. And Tom Hamilton of Aerosmith. Sing with me, sing. Annie Lennox. And I'm Dave Stewart, and we're Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Hi, folks, this is Deborah Harry. CSW, Profile Pop Rock Hits. Sur le dernier album, on s'est dit qu'il fallait essayer de mélanger des choses qu'on n'avait pas encore mélangées. Il fallait essayer des choses. Et on s'est dit, tiens, si on osait mettre un peu d'accordéon, vu que Fred est avant tout accordéoniste. Si on osait mettre un peu d'accordéon avec un peu de draga, avec un peu de reggae, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc du coup, on a osé, ça vous dit ou quoi? commence à faire. Ça fait comme ça, tout le monde. Tu passes pour un naïf quand tu te mets à rêver, Little Mino. Il faut que tu m'assistes et puisses te protéger. Tout regarder de haut ne peut rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne voir que naïveté. Ne plus lever la tête jusqu'au dernier soupir. Sinon fait que les yeux, les émotions sont fausses. On se laisse porter parce qu'il y a toujours pire. Si l'on se moque de nous, c'est peut-être la cause. Ne laisse pas l'égoïsme devenir banalité, les alminos. Sinistre et loin d'un monde qui ne veut plus rêver. Je suis sorti de ça et maintenant je respire. Car je veux juste y croire et apprécier les choses. J'ai laissé derrière moi ces ombres qui m'attirent, qui sourient cyniquement de la misère des autres. J'arrête de me lamenter, de ne penser qu'au pire. Je veux me réjouir même si tout n'est pas rose. Et tu peux te moquer quand tu me vois agir. Car quoi qu'ils disent maintenant, il faut qu'on nous avons à tout accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres, il faut s'accepter. Et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. On se laisse bouffer par l'inutile et ça au quotidien. C'est toujours la même. S'ils veulent nous empêcher de croire en nous et notre destin. C'est le même phénomène qui nous fait ralentir et qui n'est fondé sur rien. Car on attend à offrir quand on se donne les moyens. Oh, ce qui peut nous sauver d'emblée, c'est de croire en l'humain. Cette utopie pour demain. Well, tu peux te moquer, ok, dire qu'on se bat en vain. Mais je préfère ce chemin, you know. Pour garder des distances et se replier sur soi-même. Fait qu'à la fin, on pense que tout est du pareil au même. On n'a pas les mêmes chances, pas le même vent qui nous mène. Je joins croire en toi-même, celui seul. On nous apprend à tout accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion de mieux démoder. I say, pour aimer les autres, il faut s'accepter. Et tous les sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement en premier. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. Ne laisse pas ce vrai poison s'immiscer. Mauvais esprit et cynique, c'est pour te rabaisser. Le combat dans cette cause en sinistrée. Ne relâcher et tout tenter pour y arriver. Il nous embrasse, ce cynisme empêche qu'on se grandir. Qu'on souffre de la schizère. C'est dans nos mains que peut venir l'avenir. Yeah. Oh, la, la, la, la. Hey. Doucement. Hey, ça vous plaît ou bien? Hey, l'homme à l'accordéon s'appelle Frédéric. S'il vous plaît, du bruit. Encore une fois, ça fait. Tu passes pour un naïf quand tu te mets à rêver, les alminos. Il faut que tu insistes et puisses te protéger. Tout regarder de haut, ne plus rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne voir que naïveté. Je suis sorti de ça et maintenant je respire. Car je veux juste y croire et apprécier les choses. J'ai laissé derrière moi ces ombres qui m'attirent. Qui sourient cyniquement de la misère des autres. J'arrête de me lamenter, de ne penser qu'au pire. Je veux me réjouir même si tout n'est pas rose. Et tu peux te moquer quand tu le vois agir. Car quoi qu'ils disent maintenant, il faut qu'on danse. On nous apprend à nous accepter. Rester insensible et désabusé, blasé, nos émotions laissées de côté. Et même la compassion devenue démodée. I say, pour aimer les autres, il faut s'accepter. Et tous ces sentiments laissés déborder. J'essaie de vivre simplement au premier degré. On va construire demain comme on l'a rêvé, rêvé. On nous apprend à tout accepter. Hey, Fredo. Pour aimer les autres, il faut s'accepter. comme on l'a rêvé, rêvé. Écoute ça, Sin Semilla la charrage sur l'antifacho style. Ready, aim, fire. Je reviens exprimer mes peurs et ma colère, je sens urgence. Même si ma peau est claire, j'entends les gens dire oula. Les fachos reviennent, ces gens-là n'ont pas tort, mais sont en retard de guerre. Moi les fachos, et les fachos sont là, c'est pour le quoi, pour le quoi. Ouvre les yeux, regarde les fachos, et les fachos sont là. Rends-toi compte du danger, ouvre les télés, dis sois comment c'est clair, clair. Le bornu ou Hitler, c'est du pareil, du pareil, du pareil. Au même lieu, vous parlez pas encore, mais c'est la même. De mer, les mêmes mensonges, les mêmes agouts, le même amour de la haine. C'est clair, clair. Le bornu ou Hitler, c'est du pareil, du pareil, du pareil. Au même. Sauf que 50 ans après, le diable ne parle plus à la son immonde, blabla. Cher pour ses fonds, son flamme aurait bien hanté mes tympans. Il faut leur dire en silence pendant qu'il est encore temps. Ça fait trop trop longtemps qu'ils avancent. Je les vois au pouvoir dans certaines grandes villes de France. Ça fait trop trop longtemps qu'ils avancent. Alors, j'en appelle à la résistance. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans trop d'endroits le feu a pris. Faut-il la moindre des béboules pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut-il que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie. J'ai dit que la presse se vit quand j'ai vu la police municipale. Diplomatie minimale, provocation maximale. Tout légal, ouais, au règne du règne animal. Il se voudrait lion, mais ne reste que chacal. Mais l'histoire a montré que les chacals peuvent faire mal, très mal, dépasser l'abominable. Prépare leur arsenal pour une nouvelle guerre tribale. Déjà parfois résonne les valeurs ou d'échanger de cadavres. Et les gens s'habituent, leur présence est banale. J'ai Marco Mike, c'est que je rêve d'un sursaut radical. Ne plus entendre parler de discrimination raciale. Je connais de cette histoire, elle mènera au champ bagage. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut dire que la moitié des béboules pour qu'on combatte l'incendie. La flamme, la flamme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut dire que tout le pays brûle pour qu'on combatte l'incendie. Il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux de fumée pour les nuls. Sortez les mains en l'air, roulez pieds devant. Salut, c'est Pat. Salut, c'est Spike. Et nous sommes Morsen 43. Vous écoutez tous les titres de Morsen 43 sur AS Web Radio. Avec Bernard. À la bourre, la fille du chat noir avec sa petite gueule d'amour, toujours à nous égard. C'est quand ce bleu s'étonne quand on est trop bavard. Après deux, trois verres de rhum, la fille du chat noir. Et c'est comme ça que tous les comme de la voix. On flippait, on se rassure au moindre de ses retards. Depuis tant qu'on se piture, nous les piliers de comptoir. Elle sait bien qu'elle est toujours derrière nos yeux ragas. Faut dire qu'elle aime bien sentir nos regards. Sur elle que c'est de haut en bas au hasard. Pour elle c'est bien plus plaisant que de se voir nu dans sa chambre debout devant son miroir. À chaque fois elle se marre, elle sait que nos beaux discours ne sont que des miroirs aux alouettes, car le soir on finit tous au radar. Faut dire qu'on s'en fout bien tout de savoir si l'un de nous sera de repénard. L'homme de sa vie, et si c'était un cauchemar, tout ce qu'on préfère c'est encore et toujours voir. Faire monter la température. Voici Down the Road de C2C, All Night in Daylight de Jacob Miller, extrait de l'excellent album Tenement Yard, sorti en 1980. Promis, dans d'autres émissions, je repasserai du Jacob Miller. Je vous diffuserai ensuite Sandy Trash avec le morceau Tes cuisses, ay caramba. Vous retrouverez Kiss avec leur classique I Was Made for Loving You. J'ai toujours été fasciné par le maquillage de Gene Simmons, vous savez, le guitariste à grande langue, et je sais toujours pas ce qui me fascine chez dans ce maquillage, sûrement les heures boulot pour arriver à ce résultat. Et on finira ce bloc avec Soldat Louis et le morceau Savannah. Hell no place to go. some boy. Goodbye, baby. Yeah, some boy. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Still there.

sauver, on peut traîner nos âmes. D'être pico, bas quartier de Rotterdam. À force de chercher les bruits ou cacher nos erreurs, tout gentil homme de fortune, de quoi avons-nous peur? Plus du gibet de Savannah que de Satan et ses flammes. On préfère la mort du bras qui tient une lame. Prêt à livrer mille batailles pour l'endroit d'Espagne. Le bon témoigne de ripaille, c'est chaque fois que l'on gagne. Le rhum et le chant des hommes font briller les étoiles. Sur une gym on fait les morts, morts. Sur les mers du sud, le temps nous en fait voir. On retrouve notre solitude, de haine, de désespoir. Tant pis pour la proie facile qui croise notre route. Une fille contre un roi nazi, c'est ce que ça coûte. Apporte sa main de père. Ce n'est pas le sang sur nos mains qui fera peur aux femmes. Comme nous, elles valent moins que rien, moins que leur chat. Frères assassins, déserteurs, au destin sanguinaire. La Bible est jolie, retient. Apporte sa main de père. Ce n'est pas le sang sur nos mains qui fera peur aux femmes. Comme nous, elles valent moins que rien, moins que leur chat. Je voulais vous faire découvrir le morceau Querelle interminable d'Alpha Blondy, issu de son dernier album Positive Énergie, sorti le mois dernier. C'est un régal pour les oreilles. Puisque nous sommes dans les découvertes, je vous présente un groupe québécois, The Oppressed, un groupe de ska oi de Montréal, avec le titre Drunken Skinhead. Encore merci à eux de m'avoir envoyé des titres de leur album vinyle rouge. J'aime ça aussi le son vinyle, je pense que vous en diffuserez d'autres dans les prochaines émissions. Vous retrouverez après un très bon Peter Tosh, Coming In Hot en live, tiré de l'album Complete Captured Live en 1980. Je vous diffuserai ensuite Joy Division avec leur titre She's Lost Control et on finira avec Rock de Casbah, des Clash en live. Querelle interminable. éphémère. Revenons à l'essentiel. L'amour est un don du ciel. Revenons à l'essentiel. Un amour existentiel. Arrêtons nos querelles interminables. Arrêtons nos querelles interminables. Arrêtons nos querelles interminables. Ces querelles interminables. Nous avons oublié de nous aimer. Nos orgueils aiguisés, c'est de la vanité. Il faut savoir raison garder. Faisons preuve d'humilité. L'oiseau ne se fâche pas contre la branche. Le divin pardon est une revanche. Pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est s'aimer. Oh oui. Arrêtons nos querelles interminables. Arrêtons nos querelles interminables. Arrêtons ces querelles interminables. Silence. firing, a firing shot. I just clean up my nozzle and I load my barrel. Set up, cock my hammer, 'cause I'm gonna pull my trigger. Hot, hot, hot, oh. Firing, a firing shot, no shot, hey. Said I'm a coming in hot, oh. Firing a lightning shot. Yeah. 1 minute after dozing, I thought that I was blazing. My blood, it was boiling. I said it was amazing. A hot, red hot, yeah. Fire in the fire, it shot, shot, shot. Oh. Said I'm a coming in hot. Fire in the lightning shot, shot, shot. The next day it went higher. The whole enemy catch a fire. I could not take it no longer. It was the chucking of some cold ice water. A hot red hot, yeah. Fire in the firing shot. Said I'm a coming in, hey, hey. Fire in the lightning shot. My heat just never went away. 103 on the hour, I had was to hit for the shower. Me say hot, red hot, yeah. Fire in the fire, oh. Said I'm a coming in a hot, hot, hot, oh. Fire in the fire in shot, no shot, no shot. Said I'm a coming in. Fire in the fire and shot, shot. Said I'm a coming in hot. Fire in them and shot, yeah. Rise and let it go. She wants to control. And she's too. If you don't have the bass, it's like being amputated. Sound is more than just noise. An ordered sound is music. ESW Profile Pop Rock Hits. Rock the Casbah! Rock the Casbah! It's cool, quiet. Do think I chimed in this? But as the wind changed direction, I can't go back to fight. I've got a win of that crazy. Allez, nous allons jouer. Laissez-moi un message et votre mail sur la page Facebook de l'émission en me demandant un pack petit agité avec un mot gentil, ça serait plus sympa. Et je vous offre 10 titres de Morsène 43 téléchargés. En plus, je vous offre le dernier single TB Libre aujourd'hui qui est sorti avant-hier. Nous allons continuer en musique avec Piece of My Heart de Janis Joplin en live de l'album posthume In Concert de 1972. En effet, Janis Joplin est décédée le 4 octobre 1970. Elle avait été surnommée la Mama Cosmique ou aussi Pearl. Elle avait 27 ans. Nous ne l'avons pas oublié et revenons à des choses plus gaies. Je vous diffuserai Putain de Tessématik, le premier groupe du chanteur belge Arnaud. Vous aurez aussi Dialogue de Sourds de Dan Akil. Vous avez adoré Primus la semaine dernière, du coup, je vous en passerai un autre. Pudding Tain, quel bassiste, Lake Leopold. Et on finira ce bloc avec Staring in the Sun, de Offspring. Come on. you're the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give you nearly everything I ever had to give? I tried to do it. Each time I tell myself that I think I've had enough of it. I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Won't you keep on? Looking good, but they always trying, always trying, always trying. Every time deep, deep, deep inside. Bye.

Yeah. Malheureusement, cette émission Vampire Fix numéro 4 touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis sur votre radio favorite. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission Vampire Fix, émission où je débarque dans votre salon. Je laisse le mot de la fin à Frustration on the Rise.